communiquer. De grands esprits se lèvent pour nous expliquer d'où viennent nos malheurs, comment les éviter. Il y a des chanteurs, de la fraternité et l'injonction majeure. Il faut communiquer. On voit bien cependant, dans cette agitation, les arrière-pensées de certaines postures, soit pour se relancer, faire bonne figure, soit pour atteindre enfin à la consécration. Un tourbillon jaillit de la valse des mots, c'est à qui chantera les plus belles complaintes, et la main sur le cœur, dégoulinant de plaintes, les experts aux yeux lourds nous décrivent nos mots. Que l'on se sente aimé par ceux-là qui nous pleurent, artistes, médecins, gouvernants et prophètes, dont les voix en tremblant redoutent la défaite, quand tous, cadenassés, nous attendons notre heure. Et plus les radios vibrent dans les foyers, versant au quotidien leur logorée insane, plus notre dignité que ces discours profanes se dissout au sirop de propos dévoyés.